Je passe une dizaine de fois devant l'enseigne. Bon, d'accord, une vingtaine. Je m'arrête près de la porte et réajuste mon petit short. Je prends mon courage à deux mains et entre d'un pas certain. Bonjour, excusez-moi, je cherche le Crédit Agricole. Il me regarde d'un air drôle. Il m'invite à le suivre dans le couloir sur ma gauche. Un bar, il me laisse seul, je me mets à l'aise. C'est une vraie fournaise. Je me mets à nu dans le vestiaire, tel un fruit mûr au fer. Ma serviette autour de la taille, le regard d'un homme, je défaille. Une goutte de sueur coule sur ma joue, il pose sa main sur mon genou. Intimidé, je prends pas la fuite, mais il attend la suite. Il était grand, il était beau. Il sentait bon, la noix de coco s'est allée vite, y avait le feu, je crois que je suis amoureux. À l'heure où d'autres vont au bistrot, je retourne chez Polo, et demain vers 10h30, j'ai rendez-vous au jacuzzi. J'ai décidé d'assumer mon homosexualité.